إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence cette dixième partie dans la lecture de ce livre, إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. Et donc, c'est la dernière partie, inshallah, on espère. Et on va commencer tout de suite avec la parole de l'imam Ibn Battah, un des imams parmi les imams des salafs, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana. Et dans ce livre, il cite beaucoup des paroles des salafs sur les fondements et les principes de la aqidah des salafs et sur leur méthodologie et leur manhaj. Il est mort en l'an 387 de la Hijra, rahimahullah. Donc, l'imam, son nom c'est Abu Abdillah Ubaidillah ibn Battah al-Akbari, rahimahullah. Il dit, et maintenant nous allons mentionner, ou nous mentionnons, l'explication de la sunna et sa description, et ce qu'elle est en elle-même, ce que cette sunna est en elle-même. Et on a expliqué déjà, bon, dans d'autres contextes, dans d'autres cours, que lorsqu'on parle de la sunna dans son sens large, eh bien, ça comprend pas seulement, yani comme les savants de hadith ou les savants de fiqh, lorsqu'ils parlent du mot sunna, hein, c'est pas la même chose. Les savants de fiqh ou les savants de hadith, lorsqu'ils parlent du mot sunna, ils vont dire que c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions et les choses qu'il a approuvées par son silence et sa caractéristique physique et les caractéristiques de son comportement. Ça, c'est la définition des muhaddithin. Et quand les ulama de fiqh mentionnent qu'est-ce qui a rapport avec la sunna, ils vont dire que c'est les paroles et les actions et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvées par son silence. Et ils vont mentionner aussi dans les ahkam, dans les règles, que la sunna, c'est qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est recommandé, hein, ou qu'est-ce qui est comparable ou synonyme du mot mustahab. Toutefois, lorsque les salafs employaient le terme sunna, ça voulait dire beaucoup plus que ça. Ça voulait dire en réalité la religion en entier, toute l'islam au complet, et ça impliquait aussi en particulier la aqidah et le manhaj. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est pour cette raison-là que vous allez voir que vous avez pu constater aussi que les paroles des imams qu'on a mentionnés, beaucoup d'entre eux ont écrit des livres qui s'appellent As-Sunna ou Sharh As-Sunna ou des choses de ce genre. C'est en fait pour clarifier la aqida des salafs et pour clarifier le manhaj des salafs. Donc la sunna, dans le sens des salafs, c'est dans ce sens-là. Quand il parle de la sunna, c'est de ça qu'il parle ici. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit, nous allons maintenant expliquer ou mentionner la sunna et mentionner sa description, sa caractéristique, qu'est-ce qu'elle est en elle-même, et qu'est-ce que le musulman doit, la chose sur laquelle il doit s'accrocher et par laquelle il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il s'accroche S'il s'accroche à ça, il va faire partie des gens qui sont de la sunna. Et s'il contredit quelque chose de cette sunna, il entre dans ce que les ulama de la sunna ont blâmé, hein, ou critiqué et mis en garde contre, parmi les gens de la bid'a et de la déviation, parmi ce qui a été mentionné dans yani notre explication, notre charh de la sunna, des choses sur lesquelles les gens de l'islam et les savants de la umma ont tous été d'accord depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. Et parmi les choses qu'il a mentionné justement dans ce charh de la sunna, dans l'explication de la sunna, il dit: et ne consulte personne parmi les gens de bid'a par rapport à ta religion, et ne le prends pas comme compagnon dans ton voyage. Et si tu es capable de ne pas le prendre comme, de ne pas te rapprocher de lui en tant que voisin ou comme proche, quelqu'un proche de toi, alors fais en sorte que tu ne t'approches pas de lui du tout. Il dit, et parmi les éléments de la sunna, il y a le fait de s'écarter de toute croyance en quelque chose de ce que nous avons mentionné, c'est-à-dire parmi les innovations. Et le fait de s'écarter et de boycotter ces innovations-là et de les détester. Et de s'écarter de toute personne qui s'est alliée avec elle, ou qui l'a défendue, ou supportée, hein, ou qui l'a pris comme compagnon, même si en lui-même il laisse montrer qu'il est sur la sunna. C'est-à-dire que, comme le cheikh il explique ici, il dit, tu dois t'écarter et détester et boycotter toute personne qui s'est alliée à la bid'a et avec les gens de la bid'a, qui a défendu, hein, qui l'a supporté et qui a pris pour compagnon cette personne qui est sur la bid'a, même si lui-même il montre qu'il est sur la sunna. Donc parfois tu vas voir quelqu'un qui se dit sunni ou qui se dit salafi, puis qui défend un individu qui appelle à la bid'a, ou des gens qui sont sur la bid'a, il les défend, hein, et il les supporte, et il se fâche pour eux quand on les critique. Alors même si ces gens-là se disent salafi ou sunni et qu'ils montrent qu'ils sont sur la sunna, ces gens-là font partie d'eux, font partie des gens de bid'a. Et le cheikh il va donner d'autres exemples pour clarifier ce principe-là, qui est un principe que certaines personnes à notre époque n'ont pas compris, malheureusement. Et donc, après avoir cité les paroles donc, de l'imam Ibn Battah dans son livre Al-Sharh wal-Ibana, il dit que Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn Battah, parce qu'il a parlé avec science et avec sagesse. Après avoir clarifié que le fait de boycotter les gens de passion et de bid'a et de les détester fait partie des fondements de la sunna. Et il a également indiqué que celui qui défend les gens de la bid'a et qui les prend pour alliés et qui les supporte et qui les prend comme compagnons, même s'il essaie de montrer qu'il est sur la salafia ou sur la sunna, alors il doit être, hein, il doit être mis parmi eux. Il doit être calculé parmi les gens de bid'a. Et on doit agir avec lui de la même manière qu'on agit avec les gens de la bid'a, c'est-à-dire de les boycotter et de s'écarter d'eux. Et le cheikh il dit, on a expliqué ça, hein, il a expliqué ça et il a clarifié ça, et plusieurs d'entre les imams l'ont expliqué et l'ont clarifié également. Et leur référence à ce sujet-là, il vient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha akhtalaf. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il signifie? Il dit que les âmes sont comme des brigades ou des régiments, enrégimentés. Celles qui se connaissent, elles se rapprochent les unes des autres. Ces âmes qui se connaissent, elles se rapprochent les unes des autres. et celles qui ne se reconnaissent pas, elles s'écartent les unes des autres. Hein? Et donc il dit, Abdullah ibn Mas'ud, donc ça c'est la base ou la référence qu'ils utilisent comme preuve pour ça. On dit que, en voulant dire que qui se ressemble, s'assemble. Et ça c'est un proverbe, même en français on le connaît, que qui se ressemble, il s'assemble. Tu ne peux pas être avec des gens tout le temps, tu tiens avec eux, tu marches avec eux, tu manges avec eux, tu parles avec eux, tu es toujours avec eux. Puis après ça, quand on te dit, Harry, pourquoi tu es avec ces gens-là, tu te dis, mais non, je ne suis pas vraiment avec eux, je fais juste marcher avec eux comme ça. Non. Si tu es avec eux, c'est parce que tu les aimes. Si tu es avec eux, c'est parce que tu es d'accord avec ce qu'ils croient, avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils pensent, et ainsi de suite. Sinon, tu ne serais pas avec eux. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se tenir avec des punks? Vous connaissez les punks? Hein? Non, vous ne connaissez pas? C'est une mode. Hein? Des gens qui ont les cheveux en haut, là, comme ça, comme une ligne. Hein? Avec les cheveux verts, les vêtements déchirés, des trucs comme ça. Ça, c'est une mode parmi les modes. Ou bien avec des skinheads. Vous connaissez des skinheads? Est-ce que tu vas marcher avec des skinheads, puis tu dis, mais non, je ne suis pas avec les skinheads, je suis juste marché avec eux comme ça? Non. Est-ce que tu vas marcher avec, des gothiques? Hein? Tu dis, non, je ne suis pas gothique, mais je veux juste me tenir avec eux. Ou avec des gens qui écoutent la musique, de différentes sortes de musique ou des choses de ce genre. Tu dis, non, je ne suis pas avec eux, je veux juste marcher comme ça. C'est mes amis, je mange avec eux, je dors avec eux, je marche avec eux, je me promène. Tout ce que je fais, je le fais avec eux. Puis quand on te demande pourquoi tu restes avec ces gens-là, tu dis, mais c'est comme ça, c'est juste des amis. Ou bien tu tiens qu'avec des chrétiens. Tout le temps avec des chrétiens, tu sors avec des chrétiens, tu rentres avec des chrétiens. Hein? Tu t'amuses avec des chrétiens. Tout ce que tu fais, tu restes qu'avec des chrétiens. Ou qu'avec des juifs. Tu es toujours avec des juifs. Hein? Tu rentres avec eux, tu sors avec eux. Tu tiens avec eux, tu les fréquentes. Tu les fréquentes tout le temps. Après, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Non, comme ça, je veux juste marcher avec eux. Ah ben, c'est parce que t'es d'accord avec eux. Hein? Et bien, c'est la même chose pour les gens qui se disent, par exemple, musulmans qui sont dans la sunna et qui se tiennent qu'avec des gens d'innovation. Et qui ne fréquentent que des gens de l'innovation. Et qui n'aiment que des gens de l'innovation. Hein? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Hein? C'est toujours avec des gens de tablir. Tu marches avec eux, tu rentres avec eux, tu dors avec eux, tu manges avec eux. Tout ce que tu fais avec eux. Après, tu dis, non, je ne suis pas avec eux. Ou avec des khawarij, des takfiriyin, et des jihadiyin, et des gens d'égarement comme ça, ou des sururiyah, ou des kutbiyin. Tu dis, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Ah, mais non, c'est juste comme ça, des gens que je fréquente comme ça. Ou bien, il y en a qui vont dire, comme le cheikh il a mentionné tout à l'heure des exemples, ah, mais non, je leur fais la da'wah. J'essaie de les ramener à la sunna. Hein? Mais est-ce que pour faire la da'wah à ces gens-là, ça nécessite que tu les prennes comme amis et que tu les fréquentes de cette façon? La réalité, c'est que tu es une personne comme ces gens-là. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et donc, c'est ce qu'il dit le cheikh. Il dit donc qu'il a parlé avec science, il a expliqué les fondements de la sunna à ce sujet-là, et beaucoup d'autres imams ont clarifié ça. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit, « Innama yumashir rajul wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. » Ça c'est une des paroles d'Abdullah ibn Mas'ud, un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait quoi? Il dit, un homme, il ne prend comme compagnon, qui marche avec lui tout le temps, et qui prend comme compagnon celui qu'il aime. Il prend uniquement comme compagnon pour marcher avec lui tout le temps celui qu'il aime et celui qui est pareil comme lui. Donc si tu es salafi, tu tiens avec des salafis et tu marches avec des salafis. Tu ne marches pas avec des gens de bid'ah. Il dit, Abu Darda, un autre des sahaba, il a dit, man fiqh, min fiqh rajul, mamshahu wa madkhaluhu majlisuhu. Parmi les exemples de la compréhension d'un homme, c'est qui il choisit comme personne pour marcher avec qui, hein, pour marcher avec lui, pour, avec qui il rentre et avec qui il s'assoit. Ça aussi c'est tiré de Al-Ibana. Mu'az ibn Mu'az, il dit, j'ai dit à Yahya ibn Sa'id, « Oh Abba Sa'id, un homme, il cache son opinion. Hein? » Il dit, « Un homme, il cache son opinion. » Mais cela ne peut pas être caché dans cela ne peut pas se cacher dans son fils dans son ami ou dans son compagnon avec qui il s'assoit. Hein? Il a dit à Yahya ibn Saïd, ô Abu Saïd, sache qu'un homme peut cacher son opinion, mais il ne peut pas cacher cela de son fils, de son ami ou de son proche, hein, de la personne avec qui il s'assoit. Donc ça, c'est pour nous dire qu'on peut reconnaître la réalité de ce qu'une personne suit ou ce qu'une personne croit en regardant ces gens qui sont proches de lui et avec qui il se tient. Parce que qui se ressemble, ça semble. Qatada, il a dit... Il dit, nous, par Allah, nous voyons que quelqu'un ne va prendre comme compagnon parmi les gens que celui qui est comme lui et qui est de sa catégorie. Alors prenez comme compagnon les pieux parmi les serviteurs d'Allah pour que vous puissiez être avec eux et comme eux. Et il y a plein de hadiths comme ça aussi à ce sujet-là. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man ahabba qawman hushira ma'ahum. Celui qui a aimé des gens, il sera ressuscité avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec celui qu'il aime au jour de la résurrection. Donc, ceux avec qui tu as été dans cette dunya et que tu as aimé, que tu as fréquenté, c'est avec eux que tu seras ressuscité au jour de la résurrection. Donc, ça c'est la parole de Qatada, également tiré de Al-Iban. Uqba ibn Al-Qama, alaykoum salam wa rahmatullah, Uqba ibn Al-Qama, il a dit, alaykoum salam, j'étais auprès de Arta ibn Al-Munzir, et certains des gens de l'assemblée ont dit, qu'est-ce que tu dis d'un homme qui s'assoit avec les gens de la Sunna et qui se mélange avec les gens de la Sunna, puis quand on leur mentionne les gens de la Bid'a, ils nous disent, cesse de nous mentionner ceux-là, ne nous parle pas d'eux, ne les mentionne pas. Il dit, Arta a dit, celui-là, il fait partie d'eux. C'est-à-dire celui qui nous dit de ne pas mentionner les gens de Bid'a, de ne pas parler contre eux, celui-là, il est un d'entre eux. Et il dit donc, il est un d'entre eux, ne les laissez pas vous mélanger et vous confondre dans vos affaires, dans votre religion. Et après, Aqba ibn Al-Qama, il dit, quand j'ai entendu cette parole de Arta, c'est comme si je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté cette parole quand il a dit que celui qui refuse qu'on les mentionne, qu'il est comme lui. Alors il dit, je suis allé voir Al-Awza'i, l'imam Al-Awza'i, un des imams parmi les salafs. Et cet imam, il dit, lui, c'est quelqu'un qui était fort pour dévoiler et clarifier ces questions-là lorsqu'elles lui parvenaient. Alors je suis allé le voir, puis je lui ai mentionné la parole de Arta ibn al-Munzir. Et je lui ai dit, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, que si quelqu'un, quand on mentionne en sa présence des gens de Bid'a, il dit, cessez de les mentionner, ne parle pas d'eux. Al-Awza'i a dit, Arta a dit vrai. La parole vraie, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Parce que celui qui interdit qu'on les mentionne et qu'on parle contre eux, alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'on va pouvoir être averti et mis en garde, hein, si on ne fait pas d'effort pour mentionner ces gens de Bid'a et pour avertir contre eux et mettre en garde contre eux. Et l'imam Al-Awza'i, il disait, « Man satara alayna bid'atahu, lam tahfa alayna ulfatuhu. » C'est-à-dire, celui qui nous cache sa bid'a, il ne pourra pas nous cacher ses fréquentations et les gens qu'il aime et les gens qui sont proches de lui. Hein? Donc tu vois un moubtadi' par exemple qui vient vers toi, hein, et qui se dit salafi, qui se dit sur la sunna, mais qui se tient qu'avec des hizbiyin, des gens de bid'a, des ikhwan, des tablir, des takfiriyin, des sururiya ou autres. Et il te dit, moi je suis salafi, je suis sur la sunna. Il peut te cacher sa bid'a, mais il ne peut pas te cacher les gens avec qui il se tient et sa fréquentation. Et sa fréquentation va te dévoiler et va te faire savoir la réalité de ce qu'il a dans son cœur. parce que tu te tiens avec ceux que tu aimes. Mohammed ibn Ubayd al-Ghallabi, il a dit, les gens de passion cachent, ils font tout pour cacher toutes choses qu'ils ont par rapport à leur bid'ah, excepté qu'ils ne peuvent pas cacher les affiliations qu'ils ont et les compagnons qu'ils prennent. Également, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, si tu vois un homme qui salue un mubtadi', alors sache qu'il l'aime. C'est rapporté dans Tabaqat al-Hanabila. Et Abu Daoud al-Sijistani, rahimahullah, l'imam Abu Daoud, il dit, j'ai dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, si tu vois un homme parmi les gens de la maison, avec un homme parmi les gens de bid'ah, est-ce que tu cesses de lui parler? Soit tu vois quelqu'un que tu connais avec un mubtadi', est-ce que tu cesses de lui adresser la parole après? L'imam Ahmed a dit non. Ou bien tu l'informes de l'opinion de la personne avec qui tu l'as vu, que c'est une personne qui est sur la bid'ah, parce que peut-être qu'il n'est pas au courant que cette personne-là est un mubtadi'. Donc tu vas le voir, puis tu lui informes. Tu lui dis, la personne avec qui je t'ai vu l'autre jour, celui-là c'est un takfiri, ou c'est un jihadi, ou c'est un tabliri, ou c'est un soufi, ou c'est un yani, une autre parmi les sectes ou des gens de bid'ah. Hein? Donc lui, c'est un tel et un tel. Il dit, si par la suite il cesse de lui parler, alors il est sur la sunna. Si il ne cesse pas de lui parler, alors tu peux le mettre avec lui. C'est-à-dire tu peux le considérer comme un des gens de bid'ah lui aussi. Si après lui avoir mis en garde contre lui et lui avoir mentionné que c'est un innovateur, alors par la suite, mets-le avec lui. Hein? فَإِنْ تَرَكَ كَلَامَهُ وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ. Hein? Et Ibn Mas'ud, il a dit, al-mar'u bi-khadanihi. C'est-à-dire, la personne, elle va être avec celui qu'il aime. Hein, celui qu'il aime. Et tout ça, c'est rapporté dans Tabaqat al-Hanabila et dans Manaqib Ahmad ibn al-Jawzi. Et le Cheikh Hamoud al-Touayjiri, après avoir mentionné cette narration-là, le Cheikh Hamoud al-Touayjiri, c'est un des mashaykhs parmi les shuyukh salafiyin qui sont décédés, rahimahumullah, et qui étaient forts sur la sunna et qui se concentraient sur la réfutation des innovateurs. Il a beaucoup de livres qu'il a écrits, c'était presque uniquement des livres de réfutation. Et yani, il disait donc, après avoir mentionné cette parole par rapport à l'imam Ahmad, il a dit à propos de l'application de cette parole-là au sujet des gens de bid'ah, comme par exemple les gens de Jama'atut Tablir. Il a dit, cette narration de l'imam Ahmad, il faut l'appliquer sur les gens qui glorifient les gens de Tablir, Tabliriyin, et qui essaient de débattre pour eux, hein, avec des faux arguments pour les défendre. Il dit, celui donc qui connaît l'état de Jama'at Tablir, hein, et qui les défend, donc dans ce cas-là, il fait partie des gens de bid'ah et d'égarement et de l'ignorance. Hein? Et donc, il est donc parmi eux, puisqu'il les défend, et il les glorifie, et il argumente pour eux. Donc, on le rallie à eux, et on le calcule parmi eux. Et on agit avec lui de la même manière qu'on agit avec eux. Hein? Et on doit, comme les salafs ont dit, détester les gens de bid'ah, s'écarter d'eux et s'éloigner d'eux. Celui qui, par contre, ignore la réalité de ces gens-là, alors dans ce cas-là, il faut l'informer de leur état et de leur réalité et de leur innovation et de leurs égarements et de leur ignorance. Et s'il ne cesse pas de les glorifier par la suite et d'essayer d'argumenter en leur faveur avec des faux arguments, après avoir eu la connaissance à leur sujet, alors dans ce cas-là, il sera calculé comme un des leurs et il sera traité de la même manière qu'on les traite eux. Hein? Et il y a beaucoup de gens, en particulier par rapport justement à Jamaat al-Tabligh, beaucoup de gens, ils ignorent la réalité de Jamaat al-Tabligh. Et ils ne savent pas le danger qu'il y a dans leurs croyances et dans leurs pratiques et dans leurs innovations. Hein? Certains, ils voient juste les choses de façon superficielle. Ils voient que c'est des gens qui viennent frapper à la porte, qui disent « venez à la mosquée avec nous » ou des choses de ce genre. Mais qu'est-ce qu'il y a par la suite? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a en aide dans leur quartier général? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la aqida du fondateur de ce groupe? Ils ne savent pas. Hein? Et qu'est-ce qui est dans les livres qui sont enseignés dans les écoles qui supportent ou qui ont la même croyance que celle du fondateur de ce groupe? Ils ne savent pas. Mais ils font juste voir les choses de façon superficielle et en apparence. Et ils se basent là-dessus pour par la suite juger. Mais ce n'est pas correct d'agir de cette façon-là. Ce n'est pas comme ça qu'on doit juger des gens ou les actions qu'ils font. Hein? Il faut prendre le temps de bien connaître c'est quoi la réalité de leur aqida, c'est quoi la réalité de leur manhaj, c'est quoi leur attitude par rapport au tawhid, par rapport à la sunna, par rapport à la aqida d'Ahl sunna wal jama'a. Et ensuite, tu vas avoir une idée claire. Hein? C'est quoi la position de ces gens-là face à la bid'a et face aux gens de bid'a? Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu des gens de Tabligh mettre en garde contre les innovateurs et contre l'innovation? Ou contre des sectes parmi les sectes d'égarement? Jamais. Hein? Puisque ça, c'est en contradiction avec leur manhaj. Hein? Et donc, c'est une preuve déjà que s'ils ne critiquent pas les gens de bid'ah, ils ne mettent pas en garde contre eux, donc ils sont eux-mêmes dans un grand danger pour eux-mêmes, puis un grand danger pour les autres musulmans aussi, puisqu'ils ne les préviennent pas contre ce qui peut être mauvais pour eux dans leur aqida. Hein? Et il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on pourrait mentionner. Donc l'imam, le cheikh Hamoud al-Tawajri, il a écrit un livre qui s'appelle « Al-Qawl al-Balir » « Fi Jama'at al-Tablir » et il a mentionné les explications et les preuves et les preuves de l'égarement de cette secte. Hein? Parce que c'est une secte. Il y en a qui vont penser que ce n'est pas une secte, mais en réalité, Jama'at al-Tablir, c'est une secte d'égarement. Comme les frères musulmans sont une secte d'égarement. Hein? Même si on ne les appelle pas comme ça en général, les gens ne savent pas, mais en réalité c'est ça. Ensuite, le cheikh il dit, et pour savoir qu'est-ce que c'est une secte en fait, pour distinguer qu'est-ce que c'est une secte et qu'est-ce qui n'est pas une secte, c'est tout groupe qui se sont mis d'accord et réunis sur un principe ou plusieurs principes qui sont en contradiction et en opposition avec le Coran et la Sunna et les fondements de la Sunna chez les salafs salih. Toute personne qui se réunissent autour d'un principe ou plusieurs qui contredisent les fondements de la Sunna et les principes du Coran et de la Sunna, ce sont des gens qui sont des gens de bid'a et ce sont des gens qui sont dans une secte. Ça se peut que cette secte elle soit un grand nombre de fidèles, ça se peut que cette secte ait un petit nombre de fidèles, peu importe, c'est considéré comme une sorte de secte. Et ils vont aimer et détester selon ces principes qui se sont inventés. Et ils vont faire al-wala ou al-bara selon ces principes-là. C'est-à-dire ils vont s'allier avec toi ou se désavouer de toi selon leurs principes qu'ils ont innovés et inventés. Pas selon le Coran et la Sunna seulement. Ou selon la compréhension des salafs salih, seulement selon leurs passions et leurs innovations. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et après, le cheikh il cite une parole de Al-Fudayl ibn Iyad, il dit que les âmes, donc il répète, il paraphrase le hadith qui dit « Les âmes sont comme des régiments enrégimentés. Ceux qui se connaissent entre eux, ils s'unissent, et ceux qui ne se reconnaissent pas se divergent entre elles. » Et il dit qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui est sur la sunna de prendre comme compagnon quelqu'un qui est sur la bid'a et de se rapprocher des gens de la bid'a, excepté par hypocrisie. Hein? Et un autre exemple aussi de ce genre d'attitude-là, l'imam Ibn Battah, il dit en commentant la parole de Al-Fudayl Ibn Iyad, il dit « Sadaq Al-Fudayl, rahimahullah, fa inna nara zalika ayanan » Il dit Al-Fudayl Ibn Iyad, il a raison, il a dit vrai, nous voyons ça avec nos propres yeux. Dans la réalité, qu'est-ce que l'imam a dit? Et Ibn Battah, il dit en commentaire à la parole de Al-Fudayl, صدق الفضيل صلى الله عليه وسلم. Après il dit que Soufiane al-Thawri est venu dans la ville de Al-Basra et il a regardé la situation d'un homme qui s'appelait Ar-Rabi' ibn Sabih. Ar-Rabi' ibn Sabih, et comment les gens le respectaient. Et il a demandé quelle est sa voie, quel est son manhaj, quel est son madhab. Hein? Et les gens ont répondu, son madhab, c'est rien d'autre que la sunna. Alors, l'imam Soufiane al-Thawri a dit, qui sont ses proches amis? Qui sont les gens proches avec qui il reste? Il a répondu, Ahlul Qadar. Ils ont répondu, ce sont les gens qui nient la prédestination. Ça, ce sont ses proches amis. Alors, il a répondu, Huwa Qadari. Il a dit, l'imam, Soufiane al-Thawri, il a dit à son sujet, dans ce cas-là, c'est un Qadari. Même s'il prétend et même si les gens pensent qu'il est sur la sunna. Parce que ses proches amis, les gens qu'il côtoie le plus, hein, et avec qui il est le plus intime, ce sont les gens de bid'ah, parmi les qadariyas. Donc il est un qadari. Peu importe qu'est-ce qu'il montre. Hein? Et l'imam al-Barbahari, il dit dans son livre, Sharh al-Sunna, si tu vois un homme assis avec un individu parmi les gens de la passion, alors avertis-le et fais-lui savoir que cette personne est une personne de la passion et de la bid'ah. Et si, après que tu lui aies fait savoir, il continue à s'asseoir avec lui, alors préserve-toi de lui, parce que c'est une personne qui suit la passion. C'est une personne qui suit sa passion. Et Al-Allama Shaykh ibn Ibrahim Al-Qafti Al-Ma'ruf ibn Al-Hajj, celui qu'on appelait Ibn Al-Hajj, qui est mort en 598, il disait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué dans le verset 140 dans Surah An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et on a fait descendre sur toi dans le livre, que si tu vois qu'on se moque des signes, qu'on renie les signes d'Allah, alors ne t'assois pas avec les gens qui font ça jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre conversation, sinon vous serez comme eux, et Allah va réunir les munafiqin et les mécréens tous dans l'enfer. Et après, ici le shaitan t'a fait oublier, alors ne t'assois pas avec eux, après t'être souvenu. Ne t'assois pas avec les gens injustes après que tu te sois souvenu. Et il dit que, donc c'est ça. Donc il dit, puis ça a été expliqué également, donc que de s'asseoir, celui qui s'assoit avec eux, donc il est considéré comme un d'entre eux dans la croyance. C'est-à-dire que même si lui-même il n'était pas parmi ceux qui se moquaient des versets d'Allah, mais du moment qu'il s'assoit avec eux et qu'il reste avec eux pendant qu'il se moque des versets d'Allah, il est considéré comme un d'entre eux. Donc les ulama, ils ont utilisé ce verset-là même par rapport aux gens de bid'ah. Que si tu t'assois avec eux pendant qu'ils sont en train de nier les aspects de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ou de déformer la réalité de l'islam, que tu t'assoies avec eux et que tu acceptes ça, donc c'est comme si tu es un parmi eux. Et il dit qu'il y a des gens parmi les imams de cette umma qui ont pris cette position-là et qui ont jugé sur le fait qu'il faut appliquer ces versets-là au fait de s'asseoir avec les gens de la bid'ah, et de fréquenter les gens de bid'ah, et que ça c'est une preuve que ceux qui les fréquentent est parmi eux. Parmi ces imams-là qui ont dit que ce verset-là s'appliquait aux gens de bid'ah, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Al-Awza'i, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Ça c'est parmi les savants qui ont dit ça, parmi les imams des salafs. Ils ont dit qu'on peut savoir la position d'une personne selon les gens avec qui il s'assoit et il fréquente. Et ils ont dit qu'on doit interdire à quelqu'un de s'asseoir avec eux s'il cesse il sera, c'est correct, mais s'il continue à rester avec eux par, après avoir la connaissance, alors il sera hein, calculé par, parmi un des leurs. Et ça, ça répond en même temps à la question de la personne qui posait la, hein, qui parlait par rapport à celui qui n'a pas la connaissance hein, et qui se tient avec des jeunes bid'a. Eh bien, cette personne-là, il faut l'informer que ce que hein, il se tient avec des jeunes bid'a et quel est leur bid'a et le danger de ça. Et que par la suite, si la personne persiste à vouloir rester avec ces gens-là, eh bien, il sera calculé comme étant un d'entre eux par la suite. Et donc, parmi les salafs, il y en a qui ont dit, par exemple, par rapport au fait qu'on ne doit pas s'asseoir avec les jeunes bid'a, que certains ont répondu, non, moi je m'assois pour leur clarifier la vérité et pour les réfuter. Et ils ont répondu, ces gens-là, c'est-à-dire ils ont répondu en disant, on a interdit de s'asseoir avec eux parce que par la suite, il va être, hein, il va devenir comme eux s'il ne cesse pas de rester avec eux et de s'asseoir avec eux. À la longue, il va être influencé et il va commencer à devenir comme eux. Il y a une autre citation des salafs, hein, je ne l'ai pas lue, mais jusqu'à maintenant on ne l'a pas lue, mais ça disait qu'un d'entre les salafs, on lui a posé la question, quelqu'un, il fréquente les gens de la sunna et il fréquente aussi les gens de la bid'a. Donc qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Et l'imam en question, parmi l'imam à qui on avait posé la question, il a répondu, il dit ça, c'est quelqu'un qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Al-Awza'i, et barakallahu fik. Donc ça, c'était l'imam Al-Awza'i qui a dit cette parole. Donc ça, ça nous clarifie en fait la position par rapport à certains qui agissent de cette façon-là. Ils disent, moi, je fréquente tout le monde. Tablir, Irwan, Takfir, hein, Soufia. Moi, je suis avec tout le monde. Hein? Eh bien, celui-là, il veut mettre à égalité la vérité et le faux. Et il y a beaucoup de gens qui suivent cette tendance-là. Et il y en a même qui vont dire, moi, je suis pas salafi, je suis pas soufi, je suis pas Irwan, je suis pas takfiri, je suis pas avec aucun groupe. Hein? Ça, c'est, il y en a de l'égarement. Parce que tu dois te définir, tu dois te positionner par rapport à ces groupes d'égarement-là. Puisque nos salafs, ils n'étaient pas dans ces groupes-là et dans ces sectes-là. Et qu'à l'époque des Sahaba, ces sectes n'existaient pas. Et que si toutes ces sectes-là étaient correctes, hein, elles ne seraient pas en contradiction les unes avec les autres. Donc ce n'est pas possible qu'elles soient toutes vraies en même temps. Deux choses contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Soit que l'une est vraie ou l'autre est fausse. Un ou l'autre. Hein. Et les Sahaba, ils étaient tous unis sur la même aqida. Ils n'ont pas, il n'y a pas eu de secte ou de divergence dans les croyances et dans les principes et dans les fondements de l'islam entre les sahaba. S'il y a eu des divergences entre les sahaba, c'était uniquement dans les questions d'ijtihad, dans les questions de fiqh. Et ça se limitait à ça. Et ils ne se divisaient pas pour ça. Et ils ne se divisaient pas en groupes et en sectes pour des ijtihadats qu'ils avaient, des divergences qu'ils avaient dans ces questions-là. Jamais. Mais dans les, même des fois, ils avaient des divergences d'opinion sur des questions, et même il y a eu entre les sahabas des combats et des batailles, et malgré tout, ils priaient ensemble quand c'était l'heure de la prière. Alors qu'ils étaient tous les deux dans des camps hein, qui se combattaient les uns les autres. Mais ils étaient tous unis sur une même aqida, et ils se considéraient comme des frères dans la religion. Mais chacun pensait qu'il avait fait la bonne ijtihad et qu'il défendait le haqq. Hein? Mais ils n'étaient pas divisés dans leur aqida. Ceux qui ont ramené les bidars par la suite, c'est eux qui ont divisé les musulmans. Hein? Et c'est eux qui ont fait que les sectes apparaissent et qui a fait par la suite que les divisions existent entre les musulmans. Donc, quelqu'un qui te dit, moi je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça, hein? Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en réalité. C'est ça que ça veut dire. Parce que celui qui connaît l'aqida des salafs et des sahaba et des tabi'in et des tabi'in, il doit prendre la position des salafs. Parce que c'est une obligation. C'est pas une chose qui est recommandée hein, d'être un salafi. C'est une obligation. T'as pas le choix d'être sur une religion autre que sur la religion qui a été suivie par les salaf. Sinon, tu n'es pas sur le vrai islam, tu es sur autre chose. Hein? Donc ça, c'est un point important. Et il cite ensuite une parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, au sujet des gens qui prennent pour alliés l'Ittihadiyya. L'Ittihadiyya, c'est des gens qui croient qu'ils deviennent un avec Allah, ou qu'ils peuvent yani, s'unir avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme les soufis par exemple. Certaines sectes des soufis, certaines turuq soufis, croient qu'une personne, après avoir fait beaucoup d'adoration ou d'exercice spirituel, il devient un avec Allah. Un peu comme qu'est-ce qu'on retrouve chez les bouddhistes, hein, le nirvana, des trucs comme ça. Hein, ils ont ramené ça dans l'islam, les soufiyines, et ils ont prétendu que quelqu'un peut devenir un avec Allah. Et il y en a même qui sont allés à l'extrême dans cette idée, pour jusqu'à dire qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, puis que tout ce qui existe est Allah. Hein, le créateur et la créature, c'est la même chose. C'est, tout est Allah et Allah est tout. Et ça, c'est la aqidah de Ibn Arabi, hein, la aqidah de Wahdatul Wujud. Et les ulama de l'islam ont tous été d'accord pour déclarer Ibn Arabi comme un hérétique, un kafir, un mulhid. Et ils ont déclaré que sa voix, c'était une voix de kufr. Hein. Donc, comment on doit agir avec ceux qui ont cette aqidah et cette voix-là? Le cheikh Ibn Taymiyyah, il nous mentionne cette règle-là qui s'applique à ceux-là et qui s'applique à, en réalité aussi à tous les gens de bid'ah. Il dit, il est obligatoire de punir toute personne qui appartient à cette croyance-là, ou qui la défend, ou qui fait l'éloge de ceux qui sont sur cette croyance, ou qui respecte leurs livres, ou qui est connu comme étant quelqu'un qui les supporte et qui les aide. Et qui déteste qu'on critique et qu'on parle sur eux, ou qui cherche à leur donner des excuses par rapport à leurs paroles, hein, et qui dit, par exemple, à propos d'eux, comme certains l'ont dit, des choses pour essayer de trouver des excuses pour eux. Et il dit, ce genre d'excuses-là ne vient que de la part d'un ignorant ou d'un hypocrite. Et il dit, et il est même obligatoire de punir toute personne dont on connaît l'état, et qui n'a, donc, non, de punir toute personne qui connaît l'état de ces gens-là et qui n'a pas aidé à les arrêter, hein, parce que le fait d'arrêter ces gens-là est une des plus grandes obligations. Parce que ces gens-là, ils ont corrompu les raisons et la religion des gens. Hein, de plusieurs parmi les gens, parmi les shuyukh, les ulama, les rois et autres, et ils ne font que répandre le désordre sur la terre et obstruer le sentier d'Allah. C'est tiré de Majmou' al-Fatawa, le volume 2 à la page 132, pour ceux qui veulent retourner vérifier. Et on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son sharh Fadl al-Islam, le livre de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, Fadl al-Islam, l'excellence de l'islam, le mérite de l'islam. C'est un livre qui a été écrit par le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et cheikh Ibn Baz, il a un charh de ce livre. Et dans son charh, il dit, on lui a posé la question plutôt, celui qui fait l'éloge des gens de bid'ah et qui les glorifie, est-ce qu'il prend le même verdict que les gens de bid'ah? Est-ce qu'on va dire de lui la même chose? Il a répondu, cheikh Ibn Baz, en disant, « Na'am, ma fihi shak ». C'est-à-dire, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Celui qui fait l'éloge des gens de bid'ah et qui les glorifie, il appelle à eux. Hein? C'est comme s'il invite les gens à leur voie et à les suivre. Et ça, et donc, il fait partie des gens qui font partie de leur du'at. Il fait partie des gens qui invitent et qui appellent à leur voie. On demande à Allah, hein, qu'il nous préserve et qu'il nous aide et qu'il nous quitte. Le cheikh dit ensuite que les salafs, rahimahumullah, lorsqu'ils voyaient un jeune qui commençait dans la religion avec les gens de la sunna, ils espéraient du bien pour lui. Tandis que quand ils le voyaient avec les gens de la bid'a, qu'il marche avec les gens de bid'a, qu'il s'assoit avec les gens de bid'a, qu'il les prend comme compagnons, hein, alors ils sentaient du désespoir pour eux. Hein, qu'un bien quelconque pourrait provenir de ce genre de, de jeunes là ou de personnes là. Et aussi, même, la même chose est rapportée de la part de quelqu'un qui serait un nouveau musulman, un converti, hein, quelqu'un qui n'était pas musulman ou qui ne connaissait pas la langue arabe, puis qui commence dans sa religion. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, si tu vois le jeune, au début, quand il commence, il est avec les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, espère du bien pour lui. Mais si tu le vois avec les gens de la bid'a, alors hein, n'espère pas pour lui, parce que le jeune restera sur ce sur quoi il a grandi. Le jeune restera sur ce sur quoi il a grandi, ou sur ce sur quoi il a été élevé. Et ça, c'est une réalité que tu remarques. Souvent, les gens, ils reviennent, quand ils sont plus vieux, sur qu'est-ce qu'ils ont connu en premier. Si des gens, par exemple, ont été élevés dans quelque chose, une bid'a quelconque ou une pratique quelconque, et qu'à un certain moment donné, ils l'ont abandonné, et que plus tard, quand ils vieillissent, ils décident de revenir à la religion, eh bien, ils reviennent à qu'est-ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits. Donc, si ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits, par exemple, c'était autre que la sunna, ils vont revenir à la sunna, à autre que la sunna. Toutefois, si ce qu'ils avaient connu quand ils étaient petits, c'était la bid'a, eh bien, ils risquent de... si ce qu'ils ont connu quand ils étaient petits, c'était la sunna, eh bien, ils risquent de revenir à la sunna. Donc, c'est un principe qui est... c'est des choses qu'on a observées, qu'on a vues aussi, qu'on peut constater même. Et cette parole-là, elle a été rapportée par plusieurs d'entre les imams, comme Amr ibn al-Qais al-Mala'i. Il a dit, si tu vois un jeune, au début, quand il commence, il est avec les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, espère du bien de lui. Toutefois, si tu le vois avec les gens de Bid'a, n'espère pas grand-chose pour lui, parce que le jeune, il va être sur ce qu'il a suivi quand il a été élevé au tout début. Et il a dit aussi, si le jeune, quand il grandit, le jeune, il va être élevé sur quelque chose. S'il aime s'asseoir avec les hommes de science, donc il risque d'être épargné et sauvé de plusieurs d'entre les problèmes et des fitanes et des choses de ce genre et des bidas. Mais s'il aime s'asseoir avec autre que les hommes de science, eh bien, il risque de glisser et de tomber. Et comme je disais, cette même parole, elle a été rapportée à propos de quelqu'un qui rentre dans l'islam, ou quelqu'un qui est non arabe, ou qui ne connaît pas l'arabe, et qui rentre dans l'islam, et qui rencontre des gens sur la sunna. Ça, c'est la plus grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire après lui avoir fait connaître l'islam. Et des fois même, il y a certains des salafs qui ont dit ça. Ils ont dit, je ne sais pas laquelle des deux grâces est plus grande. Le fait d'avoir connu l'islam ou d'avoir connu la sunna. Parce qu'une fois que tu es rentré dans l'islam, c'est une chose. Mais à l'intérieur de l'islam maintenant, avec toutes les 72 sectes que le professeur Sam a mentionnées, et que les 72 sont en enfer, excepté une, et que cette secte qui ne sera pas en enfer, qui sera sauvée, c'est celle qui a suivi ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tu dois la trouver maintenant, à l'intérieur de l'islam. Et tant que tu ne l'as pas trouvée, tu es encore sous la menace de l'égarement et de l'enfer. Donc, une fois que tu as trouvé l'islam, c'est un premier pas. Parmi les religions, tu as trouvé le haqq, c'était l'islam. Maintenant, à l'intérieur de l'islam, tu dois trouver le haqq, et c'est la sunna. L'imam Ibn Abi Zamanayn, un des imams également parmi les salafs qui est mort en 399, il dit, et son nom c'est Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al-Shahir Ibn Abi Zamanayn, il a dit, les gens de la sunna ont toujours blâmé les gens de la passion, les gens qui suivent les passions d'égarement, et ils interdisent de s'asseoir avec eux. Et ils font peur de leur fitna. Ils font peur aux gens par rapport à la fitna qu'ils représentent. Et ils informent les gens au sujet de leur réalité, qu'est-ce qu'ils sont. Et ils ne considèrent pas cela comme étant de la médisance, ni que c'est quelque chose comme une attaque ou une critique contre eux, ou une insulte contre eux. Ils ne considèrent pas ça comme étant de la médisance contre eux, ni comme étant des insultes contre eux. Ça, c'est dans son livre Usul al-Sunnah. Et le cheikh, il explique maintenant. Il dit que les gens de la Sunnah, parmi les premiers d'entre les salafs, jusqu'à ceux qui sont venus par la suite, ils étaient tous sur une seule et même voie dans la façon d'agir avec les gens de bid'ah. Et ça consiste, bien entendu, à les critiquer, à les blâmer, à mettre en garde contre eux, à les boycotter, à s'écarter d'eux et à interdire le fait de s'asseoir avec eux par crainte du fait que lorsqu'on les côtoie ou qu'on les fréquente ou qu'on s'assoit avec eux, on risque de tomber dans leur fitna. Et ils considéraient que le fait de les mentionner en blâme et de mentionner le mal qu'ils ont en eux, que ça ne fait pas partie des catégories de médisance ou de riba qui sont interdites. Parce que les hommes de science, parmi les ulama, ont mentionné six situations dans lesquelles il est permis de faire al-riba. Hein? Et on retourne par exemple, si vous voulez vérifier ça, regardez par exemple dans le livre Riyad al-Salihin, tout le monde connaît, écrit par l'imam al-Nawawi, le chapitre 256. Et le titre de ce chapitre-là, c'est « Ma yubahu min al-riba ». Ma yubahu min al-riba, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été permis de al-riba, de la médisance. Et vous allez voir les catégories que l'imam a mentionnées. Parmi ces catégories-là, c'est justement de mettre en garde les musulmans par rapport à quelqu'un qui représente un danger à cause d'une bid'a qu'il a et que tu risques d'être égaré si tu vas étudier avec lui. Donc ça, c'est une des catégories, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces catégories-là ont été résumées dans deux vers de poésie. Et c'est la suivante. Al-qadhu laysa biribatin fi sittatin. Mutawallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anati fi izalati munkarin. Donc ça, c'est les six catégories. Donc ils disent que le fait de critiquer quelqu'un, de mentionner du mal de quelqu'un, ce n'est pas riba dans six cas. Mutawallimin, c'est dans le cas où quelqu'un a fait une injustice à un autre et qu'il doit clarifier cette injustice-là. Ou mu'arrifin, pour faire connaître une personne qui a été responsable de telle ou telle mauvaise chose que quelqu'un a faite. Muhadzirin, c'est-à-dire pour mettre en garde, lorsqu'on veut mettre par exemple en garde les musulmans contre quelqu'un qui pourrait faire du mal. Ou mujahirin fisqan, quelqu'un qui fait un acte de péché publiquement, ouvertement, devant tout le monde. Lui, on peut mettre en garde contre lui et parler contre lui derrière son dos, sans que ce soit riba. Ou mustaftin, lorsqu'on doit demander une fatwa qui nécessite qu'on dévoile certaines choses à propos de quelqu'un. Ou pour demander de l'aide pour enlever un munkar, ou retirer un mal. Dans ces cas-là, il n'y a pas de riba. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, il disait « La ribata li ashab al-bid'a ». C'est-à-dire, il n'y a pas de médisance contre les gens de la bid'a. Ça veut dire qu'il n'y a aucune médisance dans le fait de parler contre les gens de bid'a. Pourtant, c'est ça que les gens de bid'a parfois essaient de faire croire aux gens. Quand des gens mettent en garde contre un innovateur ou un hizbi, quelqu'un qui appelle à une bid'a quelconque, eh bien, eux, ils sortent cette shubha pour les gens. Ah, mais il faut pas faire la médisance, il faut pas faire le riba, il faut pas faire al-namima. Ça rentre pas dans le riba et dans al-namima. Ça rentre dans al-amr bil-ma'ruf wa nahi al-munkar. Ça rentre dans le jihad fi sabilillah. Ça rentre dans le fait de vouloir préserver et protéger la umma contre une déviation et contre un danger dans la croyance. Et le fait de se taire vis-à-vis de cette personne-là représente un mal plus grand que le mal de parler contre lui en son absence. Hein? Et souvent, les gens vont dire, par exemple, bon, le cheikh, il le mentionne déjà de toute façon, donc ça va être clarifié. Il dit que l'imam Ibn Taymiyyah, il a mentionné qu'il y a un accord sur le fait qu'il est obligatoire de mettre en garde contre les gens de bid'ah et que ça fait partie de la riba, la médisance qui est permise. أن ذلك من الغيبة الجائزة. Okay. Et il dit وقال أما الشخص المعين فيذكر يذكر ما فيه من الشر في مواضع hein, وذكر منها donc il a mentionné que une personne un individu en particulier il faut mentionner le mal qu'il a dans certaines situations et il a mentionné certaines de ces situations là et il a dit et parmi celles-ci que ce soit dans le but de vouloir donner la nasiha aux musulmans dans leur religion et dans leur dunya. Dans leur religion et dans leur dunya. Et il dit si la personne, et donc le cheikh dit si la personne, c'est obligatoire pour lui de donner la nasiha aux gens dans les choses qui ont rapport avec les intérêts de leur religion en particulier et de l'intérêt de la religion en général. Il dit, c'est comme par exemple, lorsque quelqu'un rapporte des hadiths et qu'il mélange et qu'il ment dans les hadiths, comme on a posé la question à l'imam Malik et à Thawri et à Layth, Ibn Sa'd et à l'Auza'i, hein, Yahya ibn Sa'id, il dit, j'ai posé la question à Malik, à Thawri, à Layth ibn Sa'd et à l'Auza'i, ça c'est les quatre imams de cette époque-là. Ils ont posé la question à propos d'un homme qui est accusé dans le hadith, c'est-à-dire d'accuser de mensonge dans le hadith par exemple, ou bien qui ne mémorise pas correctement. Qu'est-ce qu'on... Et il a dit, clarifie son état. Ces imams-là ont répondu à propos de ça, clarifie leur état et leur situation. C'est-à-dire tu dois clarifier l'état de ces personnes-là. Et certains ont mentionné à l'imam Ahmad, je trouve que c'est lourd pour moi de dire à propos de quelqu'un, un tel, il a telle chose, ou un tel, il a tel problème. Hein, de mentionner ces choses-là à leur sujet. Il trouve que c'est quelque chose de lourd. L'imam Ahmad a répondu, il a dit, si moi je me tais, si toi tu te tais et que moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant va savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas bon, hein? Et pour donner un exemple par rapport à ça, et c'est ça que je voulais mentionner tout à l'heure, parce que certains ulama ont mentionné cet exemple-là, que même dans les affaires de la dunya, on doit mettre en garde les musulmans lorsque c'est nécessaire pour leur donner la nasiha. Comme par exemple, quelqu'un vient et demande ta sœur en mariage, ou demande ta fille en mariage. Et qu'un musulman, il sait, à propos de la personne qui vient demander la main, que cette personne-là, elle est pas correcte, que c'est une personne qui est un menteur, ou que c'est une personne qui est tricheur, ou que c'est une personne qui est violente, ou que c'est une personne qui a une fausse aqida, ou des choses comme ça. Et qu'il le cache, il le dit pas au père ou au frère de cette fille. Est-ce que l'action qu'il fait de cacher ça, est-ce que c'est pas une forme de traîtrise, de trahison? Certes. Et si quelqu'un vient pour faire du commerce avec toi, et que un autre musulman est au courant que la personne qui veut faire du commerce avec toi, c'est un tricheur, un menteur, un voleur, et qu'il a trompé beaucoup de gens, et qu'il le cache, il te le dit pas, il te met pas en garde. Est-ce que celui qui te cache cette réalité-là, c'est pas un traître? Oui. Donc, ça c'est des choses de la dunya. Alors que dire de la personne qui sait, à propos de quelqu'un qui appelle à des croyances de fausseté, peut-être même des croyances de shirk ou de kufr ou de bid'a, hein? Il sait que la personne, elle a un égarement, ou que le livre que cette personne-là a écrit, c'est un livre qui contient des bid'a et qu'il ne t'avertit pas. Et il ne te met pas en garde. Est-ce que ça, c'est pas une plus grave traîtrise encore? Hein? Certes, c'est une grande traîtrise plus grave encore, parce que ça, c'est un rapport avec ton din, ta religion. Et le cheikh, il dit, et c'est ainsi donc que, ça c'est la suite de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, et c'est ainsi que les imams de la bid'a, parmi ceux qui ont différentes positions ou croyances qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou qui font des actes d'adoration qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, le fait de clarifier leur état et de mettre en garde la Ummah contre eux, c'est une obligation selon l'accord de tous les musulmans. Même que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le fait de jeûner, de faire la prière, hein, il a dit ça c'est pour toi. Et le fait de parler contre les gens de bid'ah, ça c'est pour le bien de tous les musulmans. Donc ça rentre dans la catégorie du djihad dans la religion. Pour purifier le chemin d'Allah et la religion et la voie et la législation de l'islam. Hein, et pour repousser le mal. Donc, là, il termine la fin de la citation qu'on a lue tout à l'heure, c'est la même, donc vous la connaissez. Ensuite, il cite les paroles d'un autre imam, qui est l'imam Abu Mansour, Ma'mar ibn Ahmad, qui est mort en l'an 418. Il dit, « Qala Abu al-Qasim al-Asfahani fi kitabihi al-Hujja fi bayan al-Mahajja » Donc, il cite cette parole de l'imam qu'on a mentionné, qui est l'imam Abu Mansour, Ma'mar ibn Ahmad. Il dit, « Quand j'ai vu à quel point la sunna est devenue étrange et comment les choses sont mélangées, comment les gens suivent leur passion, j'ai aimé donner un conseil à mes compagnons et au reste des musulmans en leur donnant comme conseil de rester sur la sunna et de leur donner une exhortation de sagesse sur laquelle tous les gens de hadith et de la narration sont d'accord. Parmi les gens de la connaissance, les gens qui s'écartent de la dunya parmi les salafs qui ont précédé, et le reste de ceux qui sont venus par la suite. Ensuite, il dit, parmi les choses qu'il a mentionnées, parmi les éléments de la sunna, il faut abandonner les opinions qui contredisent le Coran et la sunna, et les analogies dans la religion. Et le fait de débattre, et d'argumenter, et de disputer dans la religion, au sujet de la religion. Et d'abandonner le fait d'ouvrir les dialogues, et les discussions avec les qadariyas, les gens qui nient la prédestination, et les gens de kalam en général, et d'abandonner le fait de regarder dans les livres de kalam et dans les livres d'astrologie, ça c'est des choses, des éléments de la sunna sur lesquels tous les imams des salaf étaient d'accord, et c'est tiré de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par l'ordre d'Allah. Et il dit ensuite, alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris la sunna de Allah. Le messager d'Allah a pris la sunna d'Allah. C'est Allah qui lui a donné. Et les sahaba ont pris la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'oun ont pris la sunna des sahaba. Ceux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de suivre et de prendre comme exemple. Puis, il a indiqué les sahaba et ensuite les tabi'in, et il a mentionné, cet imam a mentionné par la suite plein d'autres imams parmi les imams des salafs de différentes générations. Donc, si je pouvais par exemple vous énumérer toute cette page, c'est seulement énumération de noms des imams parmi les imams des salafs, pour donner des exemples de qui on parle quand on parle des salaf salih. Donc, si vous voulez, je vais vous en énumérer quelques-uns. Saïd ibn al-Musayyib, Al-Qama ibn Waqqas, Al-Aswad, Al-Qasim, Salim, Ata, Mujahid, Tawus, Qatada, Al-Sha'bi, Omar ibn Abdul Aziz, Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Tous ces noms-là, c'est des noms parmi les imams des tabi'in. Puis ensuite, ceux qui sont venus après, Ayyub al-Sakhtiyani, Yunus ibn Ubayd, Sulayman al-Taymi, Ibn Aoun. Ensuite, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, al-Zuhri, al-Awza'i, Shu'ba. Puis ensuite, Yahya ibn Sa'id, Hamad ibn Zayd, Hamad ibn Salama, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Fudayl ibn Iyad, Sufyan ibn Uyayna. Et ensuite, Abu Abdullah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, عبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح ابن نمير أبو نعيم الحسن بن الربيع et ensuite أبو عبد الله أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية أبو مسعود الرازي أبو حاتم الرازي et des imams de ces catégories-là parmi les gens de la Syrie, du Hijaz, Mecca wal Medina, de Misr, l'Égypte, Khurasan, Asbahan, Al-Medina et autres. Mohamed ibn Asim, Asyad ibn Asim, Abdullah ibn Mohamed ibn Nu'man, Mohamed ibn Nu'man, Al-Nu'man ibn Abdussalam, Rahmatullahi alayhim majma'in. Et il mentionne ceux parmi ceux dont il a rencontré et de qui il a écrit la science et le hadith et la sunna, comme Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamza et Abu al-Qasim al-Tabarani et Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far Abi Sheikh et ceux qui étaient à leur époque parmi les gens du hadith, puis le reste par la suite parmi les gens de l'époque comme Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Mandah al-Hafiz, hein? Et tous ceux-là sont les lanternes de la religion, les imams de la sunna, hein, les gens qui ont le commandement parmi les ulama, hein, qui détiennent le commandement parmi les ulama, et les gens étaient tous unis sur le fait que ces éléments-là font partie de la sunna. Tous ces imams qu'on a mentionnés, et les autres aussi qu'on n'a pas mentionnés, ils étaient tous d'accord sur les points qu'on a mentionnés par rapport à la sunna. Et ils ont écrit ça dans des livres qu'ils ont appelés As-Sunna. Hein? Et il y a plusieurs livres parmi les livres, comme par exemple les livres des imams. Le premier d'entre ces livres-là qu'ils mentionnent, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a écrit un livre qui s'appelle As-Sunna. L'imam Abu Mas'ud qui a écrit un livre qui s'appelle As-Sunna. L'imam Abu Zur'a et Abu Hatim, les deux, ils ont un livre qui s'appelle As-Sunna. L'imam Abdullah ibn Muhammad ibn Nu'man, qui a un livre aussi qui s'appelle As-Sunna. L'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Banna, hein, rahimahumullah ajma'in, ils ont tous écrit des livres de Aqidah qui expliquent les fondements des salafs et qui s'intitulent As-Sunna. Et également Abu Ahmad al-Assal et Abu Ishaq Ibrahim ibn Hamza wa Tabarani ou Abi Sheikh et d'autres également, ils ont tous écrit également des livres à propos de la sunna, à propos de la aqida, à propos du manhaj des salaf. Et donc ils ont clarifié qu'il faut s'écarter des gens de la bid'a et de l'égarement et condamner les gens de kalam et des gens qui font des analogies dans la religion et dans la aqida et qui disputent et qui débattent à propos de la sunna, hein, et qu'ils ont ordonné de suivre la sunna, de suivre les narrations, les hadiths, et que dans ça il y a, hein, le fait d'être sur qu'est-ce qui est saint et sauf, sur qu'est-ce qui est, hein, la soumission et ainsi de suite. Et donc il dit, il a clarifié donc que les gens de la sunna sont tous d'accord et réunis sur le fait de mettre de côté et d'abandonner les disputes et les argumentations dans la religion et de s'écarter des gens de bid'a et d'égarement. Et il a rapporté donc le consensus même sur le fait de ne pas regarder dans les livres des gens de la bid'a. Et il cite ensuite les paroles de l'imam Abu Uthman al-Sabuni qui a écrit le livre Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith. Il dit dans son livre, en parlant du madhab des salafs et du hadith, ils sont tous d'accord sur cette parole, hein, qu'il faut, hein, écraser les gens de bid'ah et les humilier et les avilir et les éloigner et les écarter et s'écarter d'eux et de ne pas les prendre comme compagnons et de ne pas les fréquenter et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en s'écartant d'eux et en les boycottant. Ça c'est, hein, dans le livre en question. Et après il dit, et il déteste les gens de bid'ah, ceux qui ont inventé dans la religion ceux qui n'en font pas partie, et ils ne les aiment pas et ils ne les prennent pas comme compagnons, ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, ils ne débattent pas avec eux dans la religion, ils n'argumentent pas avec eux, et ils considèrent qu'il faut préserver nos oreilles d'écouter leur fausseté, hein? Et si une de leurs parce que si une de ces bid'ah rentre dans leurs oreilles et qu'elle s'établit dans leur cœur, elle va faire du tort, hein? Et ça va ramener toutes sortes de doutes et de soupirs qui vont venir amener de la corruption dans son cœur. Et c'est à propos de cela que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et si tu vois ceux qui discutent de nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un autre sujet ou dans une autre discussion. Le verset 96 dans Surat Al-An'am. Il dit ensuite, je dis, donc ça c'est le Cheikh Khalid Al-Zufayri qui dit, donc les gens maintenant qui appellent au tamir, c'est-à-dire qui appellent au fait de vouloir amoindrir ou diluer les positions des salafs vis-à-vis des hizbiyin, donc ceux parmi les gens qui appellent à ça, qui veulent pas qu'on prenne le comportement des salaf envers les gens de bid'a, et qui appellent à diluer la position des salaf et à yani, adopter une autre attitude envers les gens de bid'a, alors qu'ils se prétendent salafis et suivent le manhaj des salaf, où est-ce qu'ils se positionnent par rapport à tout ce qu'on vient de mentionner comme paroles et citations des salaf à ce sujet-là? Il dit, on voit maintenant la parole de l'imam As-Sabuni qui nous a mentionné l'accord des salaf au sujet de yani, qu'est-ce qu'on a mentionné comme point, hein? Donc est-ce que les salaf yani, allaient être doux envers les gens de bid'a et allaient les rapprocher d'eux? Non, certes non. Et on voit que aujourd'hui la situation est telle que certaines personnes qui prétendent suivre la sunna à notre époque commencent même à vénérer les gens de bid'a et les gens de l'égarement et à les aimer et à s'opposer et à détester toute personne qui les critique. Ils font al-wala wal-bara par rapport à des gens de bid'a. Hein? Si tu critiques des innovateurs en leur présence, ils vont se mettre en colère contre toi. Donc ça, c'est la preuve claire que ces gens-là sont loin de la sunna et des gens de la sunna. Il mentionne ensuite une parole de Abdullah ibn Daoud, Sandila, qui disait, parmi les caractéristiques des gens de la vérité, c'est qu'ils détestent celui qui prend comme religion sa passion. Et quiconque aime la vérité, alors il est obligatoire pour lui de détester les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de la bid'a. Hein? C'est tiré de Siyar al-Salaf al-Salihin. Et il dit, un homme a dit à Ayyub al-Sakhtiani, Ya Abu Bakr, je veux te demander à propos d'une parole. Alors il dit, je l'ai vu montrer avec sa main. Il a dit, en voulant dire, même pas la moitié d'une parole. Hein? Même pas la moitié d'une parole. C'est-à-dire, un muqtadir, il est venu voir Abu Ayyub al-Sakhtiani. Ayyub al-Sakhtiani. Et il veut lui dire une parole. Il a dit, même pas la moitié d'une parole. Je veux rien entendre de toi. Tu vois comment les salafs étaient avec les jeunes bid'a. C'est comme ça. Il dit, selon Ibn Sirin, il dit que lorsqu'il entendait une parole d'un innovateur, quelqu'un qui est sur la bid'a, il mettait ses deux doigts dans ses oreilles. Hein? Puis ensuite, il disait, il dit, je ne vais pas me permettre de parler tant que cette personne-là ne s'est pas levée de sa place, de cette place. C'est-à-dire tant qu'il n'est pas parti. Hein? Je ne vais pas lui parler tant qu'il reste là. Yani, il attend qu'il s'en aille. Et un autre parmi les salafs, Ma'mar, il dit que le fils de Taous était assis. Et un homme parmi les Mu'tazila est venu et commençait à parler. Alors, il a dit que Ibn Taous a mis ses doigts dans ses oreilles pour ne pas l'entendre. Et il a dit à son fils, « Oh mon fils, entre tes doigts dans tes oreilles et mets-les fort, hein, pour que tu n'entendes rien de sa parole. Hein? » Il dit, « Ya ibni, udkhul usbu'ayka fi udhunayka wajdud. » Rentre tes deux doigts dans tes oreilles et mets-les fort pour que tu n'entendes rien de sa parole. Et Yahya ibn Abi Kathir, il disait, si je rencontre un innovateur sur un chemin, je prends un autre chemin. Et Al-Qadi Abi Ya'la, il dit, rahimahullah, il est mort en 458, dans son livre Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, après avoir parlé du fait de boycotter les gens de bid'a et de s'écarter des gens des péchés et des bid'a, il dit que parce que c'est le consensus des sahaba. Et il a rapporté, plutôt Abu Bakr ibn Khalal, il a rapporté avec sa chaîne de transmission que Atta, selon Atta, qu'il a vu un homme qui vendait de l'or, hein, ou de l'argent. mais qui le vendait pour plus que la valeur de son poids. Alors Abu Darda a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire ce genre de choses. Hein? Il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire de vendre, excepté si tu vends un pareil pour un pareil. Hein? Mithlan bi mithl. Donc il a vu par la suite, il lui a dit ça, et l'homme qui vendait l'or et l'argent pour plus que sa valeur, il a répondu: je vois rien de mal à ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Abu Darda? Il a dit qui va m'excuser de cette personne? Il dit: je lui dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'il fait, et il me répond par son opinion, il me donne son opinion. Il dit: je veux jamais être sur une terre, hein, alors que tu y habites en même temps que moi. C'est-à-dire, je veux pas être quelque part alors que toi tu habites à cet endroit-là en même temps. Hein? C'est-à-dire que la personne, il lui montre la preuve et elle rejette la preuve en se basant sur son opinion. Hein? Un autre exemple de ça, c'est qu'est-ce qui est rapporté avec la chaîne de transmission selon Saïd ibn Jubayr. Il dit qu'un des proches d'Abdullah ibn Mughaffal, il envoyait des cailloux avec ses doigts comme ça. Hein? Et il lui a dit que c'était interdit et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait interdit de faire ça. C'est ce qu'on appelle en arabe al-khazf. Al-khazf. Hein? On appelle au Québec des pichenottes. Je ne sais pas vous ici, comment vous appelez ça. Hein? Tu prends entre ton pouce et un de tes doigts, tu mets un caillou, une petite pierre, et puis tu l'envoies avec ton doigt. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et quand il lui a mentionné le hadith, il l'a vu par la suite en train de le faire. Alors, il lui a dit: je ne te parlerai plus jamais. Hein? Il a dit: je te donne un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis tu le fais encore. Il dit: je te parlerai plus jamais. Et il y a plein d'autres hadiths comme ça, hein, de ce genre. Et là, on a donné des exemples de ça déjà. On n'a pas encore terminé. Il reste encore un bon nombre de citations encore. Mais je pense que le point est compris. Il y a juste peut-être un autre point encore. On va lire cette dernière partie-là. Puis après, on va s'arrêter, Inch'Allah. C'est la parole de l'imam Ibn Abdul Barr, qui est un des imams des salafs qui vivait en Andalousie. Un des grands savants parmi les salafs, l'imam Ibn Abdul Barr. Il a dit: les ulama sont tous d'accord qu'il n'est pas permis à un musulman de s'écarter de son frère pour plus que 3 jours, excepté s'il craint qu'en lui parlant ou en gardant les liens avec lui, cela va corrompre sa religion ou que ça va lui ramener un méfait dans sa religion ou dans sa dunya. Donc si c'est le cas, on a donné la permission dans ce cas-là de s'écarter de lui. Et donc il mentionne, ça c'est la fin de la citation qui est tirée de At-Tamhid, et il dit ensuite: il y a des hadiths authentiques qui mentionnent des menaces et des interdictions de s'écarter d'un musulman pour plus de 3 jours et de 3 nuits, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Donc c'est pas permis à un musulman de boycotter ou de s'écarter de son frère pour plus que 3 jours, et que après cela, le premier d'entre les deux qui donne le salam à l'autre, c'est lui qui est le meilleur. Et il dit que ce hajr qui est mentionné, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas relié à la religion. C'est-à-dire, si tu as un problème avec un frère et que ce problème que tu as avec lui, c'est sur des questions, par exemple, du fait qu'il n'a pas respecté tes droits ou des choses de ce genre, des droits de fraternité ou des droits d'amitié, hein, et qu'il y a des problèmes entre vous et que ça touche pas directement à la religion, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de t'écarter de lui plus que 3 jours. Mais en ce qui concerne le fait de boycotter les gens de la bid'a, ça n'entre pas dans ce hadith-là. Ça n'entre pas dans le hadith en question. Parce qu'il y a des textes dans le Coran et dans la Sunna qui mentionnent que le fait de s'écarter des gens de bid'a et des gens de péché, qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut les s'écarter d'eux, hein, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur bid'a. Donc ça ne rentre pas dans cette catégorie de péché. Parce que quelqu'un pourrait vous dire ça. Tu n'as pas le droit de t'éloigner d'un musulman plus que 3 jours. Tu dis oui, ça c'est dans les aspects de qu'est-ce qui n'a pas rapport avec la religion. Mais si ça a rapport avec une bid'a ou des choses comme ça, dans ce cas-là, il n'y a pas une limite de temps. Il n'y a pas une limite de temps. Et l'imam al-Barawi, il mentionne ça, il dit an-nahyu 'anil hujra, il dit le fait d'interdire de s'écarter d'un frère musulman plus que 3 jours, ça c'est quand, par rapport à qu'est-ce qu'il y a entre deux personnes, quand il y a un manquement dans les droits de l'amitié ou de le fait de se côtoyer, des choses comme ça, quelqu'un a manqué à son droit, donc il le boycotte pas plus que 3 jours. Toutefois, si c'est quelque chose qui a rapport avec un droit de la religion, alors dans ce cas-là, c'est comme par exemple le fait de s'écarter des gens de la passion et de la bid'a, et bien ça, c'est jusqu'à ce qu'il se repente, jusqu'à ce qu'il fasse tawbah. Et cette parole-là, elle a été mentionnée également par bien d'autres, parmi les ulama aussi. C'est ça, donc, étant donné qu'on n'a pas fini, bon, on va s'arrêter quand même ici, puis peut-être que on verra par la suite si on va faire un dernier cours demain, puis arrêter là-dessus, ou bien commencer un nouveau sujet demain. J'aurais aimé terminer encore peut-être quelques citations. Donc on verra, inshallah, demain probablement qu'on essaiera de finir ça. Sinon, ce sera remis à un autre moment. Mais je pense que ce serait mieux de le finir tout de suite puisqu'on a déjà commencé. Donc si vous voulez, on fera demain le premier cours, ce sera la conclusion de ce livre. Puis après, on commencera un autre livre sur les fondements de la Aqida d'Ahle Sunnah wal Jama'a, Inch'Allah. D'accord? Donc on s'arrête maintenant ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.